MS, la boussole. Faut charbonner pour entrer dans un moule, hein. Entrer dans une moule, faut bien choisir le chardonnay. Entrer dans une moule, faut bien choisir le chardonnay. Je renie mes tics, mes manies, qui révèlent ce que certains mots ne disent pas. Comme un flic de Paris, je me marie avec la tourista, mon gars. Quitte à tout risquer, je nique l'assurance touriste-car. Mes pensées se boxent entre eux comme dans un toka Torinka. J'entends le bruit du vent murmurer dans le quartier, comme le crissement d'une mine de crayon sur le papier. Non, j'ai pas pillé, je vais pas le nier, j'ai pas prié. Plus proche du couteau que des portes papillons, les têtes n'apportent pas le pilon. Détail fini, éparpillé, peut-être que t'avais pas le filon pour esquiller mal du filet. Les contentieux finissent avec un compte en Suisse. Les audacieux s'en tirent avec un couteau de chez eux. Rentable comme marcher sur des œufs, ça facture pas le dégât des os. Je m'en tape que tu me lâches pour des œufs tant que tu nous regardes pas de haut. Mais dis-moi, ça fait quoi de dormir à point fermé, hein? Ça te laisse des traces comme quand on dit que tu peux faire mieux. Comme repère, c'est pas ton lieu, ton père c'est pas ton vieux. Comme quand l'âme qui t'a touché, c'est celle qui coulait de ses yeux, frérot. On le refera si mort il a vite cinquantaine. Ça compte seul, je raconte seulement l'idée de finir seul au monde. Repère, c'est pas ton lieu, ton père c'est pas ton vieux. Comme quand l'âme qui t'a touché, c'est celle qui coulait de ses yeux, frérot. On le refera si mort il a vite cinquantaine, frérot. N'oublie pas ça qu'on t'aime, enfile tes Salomon. Des galères à slalomer, des salomés étalonnés qui cherchent à être ballonnés. La vie c'est quoi? Faut charbonner pour rentrer dans un moule. Pour rentrer dans une moule, faut bien choisir le chardonnay. Dépassé par l'envie, perso j'ai déjà donné. T'es bon qu'à pardonner, t'as déjà pensé à ce qu'elle fait tard la nuit. T'as toutes les cartes en main, pourtant elle t'a quand même pris pour un fou. T'as pris ta roue, elle avait beaucoup trop d'atouts. Merci d'avoir joué le jeu. Certains signes ne trompent pas, j'en ai fait mathématiques. Quand on aime, on compas. Des fois c'est problématique, tourne en rond comme compas. Relève-toi, gros combat. Ici c'est marche ou crève, donc évite la sciatique. Je ne sais pas comment je dois le prendre.